trafiquant de chair humaine, on va vous briser. Trafiquant de chair humaine, ma dernière heure est arrivée. Trafiquant de chair humaine, on va vous briser. Trafiquant de chair humaine, ma dernière heure est arrivée. Ça n'est pas parce que les politiciens vous courent dans la différence que notre estime va augmenter. Ça n'est pas parce que le parti flic en est au frère des banlieues. Car nous sommes particulièrement fiers que notre respect va augmenter. Trafiquant de chair humaine, on va nous brûler. Trafiquant de chair humaine, la dernière heure est arrivée. Ça n'est pas parce que vous avez réglé en esclave 123 millions de femmes et d'enfants. Ce n'est pas parce que vous êtes entouré de garbes armées que la trouille va déboler. Ce n'est pas parce que partout les médias vous glorifient que la peur va répliquer. Trafiquant de chair humaine, on va vous briser. Ce n'est pas parce que vous nous donnez des remis de misère qu'on a travaillé toujours bien fait que la joie de vivre à nos quêtes. Ce n'est pas parce que la majorité des gens perdent le moral que nous allons les imiter. Ce n'est pas parce que vous faites nos portes séparées devant de tout le monde que de rire vont diminuer. Que de rire vont diminuer. Trafiquant de chair humaine, on va vous briser. Trafiquant de chair humaine, vous osez vous écrister. Trafiquant de chair humaine, on va vous briser. Trafiquant de chair humaine, comment osez-vous écrister. Ganja. Trafiquant de chair humaine, comment osez-vous exister? Ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja